franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, Régine Desforges, la papesse de l'érotisme. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov. Écrivaine et éditrice, Régine Desforges naît le 15 août 1935 à Montmorillon, dans le Poitou, où elle est élevée dans différentes institutions religieuses. Très tôt, elle découvre la violence de la nature humaine. À l'âge de 15 ans, elle se fait voler son journal intime dans lequel elle racontait son histoire d'amour avec une jeune fille de son âge. Le document est rendu public, provoquant un vrai scandale dans sa vie d'adolescente, de surcroît, dans une petite ville de province des années 50. Renvoyée de son institution, elle est contrainte de brûler tous ses écrits et souffrira longtemps de cette humiliation. Elle relate d'ailleurs cet événement douloureux dans le roman Le cahier volé, qu'elle publie en 1978. Très tôt, les livres constituent son univers d'élection. Elle devient tour à tour libraire, relieuse, éditrice, scénariste, réalisatrice, écrivaine. Elle ouvre plusieurs librairies, tant à Paris qu'en province, et crée en 1968 sa propre maison d'édition, L'Or du Temps. Régine Desforges devient de facto la première éditrice française. Le premier livre qu'elle publie, Le Comte d'Irène, sous le titre édulcoré Irène, attribué à Louis Aragon, est saisi 48 heures après sa mise en vente, le 22 mars 1968. Elle sera condamnée pour outrage aux bonnes mœurs et privée de ses droits civiques. Mais elle est encouragée et soutenue par son amant, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, lui-même en but à la censure. Le nom de Régine Desforges a toujours été synonyme de sulfureuse ou de scandaleuse. Des qualificatifs nés de son goût pour les textes érotiques et de son envie d'aborder librement la sexualité dans ses romans. Une liberté appréciée, voire recherchée par la France des années 80, qui se jette sur les premiers tomes de La Bicyclette Bleue. L'ouvrage connaît un grand succès populaire et international. D'un ton très libre, voire libertin, ses romans sont souvent des plaidoyers défendant le droit des femmes à s'assumer seules, y compris dans leur sexualité hétéro, bisexuelle ou homosexuelle. Elle publiera une centaine d'ouvrages, notamment des érotiques d'Apollinaire, Théophile Gautier, Rétif de la Bretonne et Mandiargue, entre autres, dont la plupart font l'objet d'interdictions diverses, voire pour certains de poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. De nombreux procès et de lourdes amendes obligent Régine Desforges à déposer son bilan. Elle a été présidente de la Société des gens de lettres et membre du jury du prix Femina. Régine Desforges meurt le 3 avril 2014 à l'hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris, quelques mois après avoir terminé ses mémoires, L'enfant du 15 août, où elle se replonge parfois avec douleur dans ses carnets intimes. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité, la vie et l'œuvre de Régine Desforges, nous recevrons, après la fiction, Josiane Savigno, journaliste au Monde, critique littéraire et écrivaine, qui écrit de nombreux articles sur Régine Desforges. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendez-vous des hosties? Oui. Voilà. Poulet prêt? Oui. À la blanche, et c'est poulet fidèle ou poulet prêt? C'est en fait, il faudrait pour les deux. Alors, je vais vous prendre un... Régine Desforges, La papesse de l'érotisme, de Nicole Sigal. Une réalisation de Michel Sidorov. Oui, je veux bien, oui. Et ça, vous voulez blanche? Blanche. J'ai croisé Régine Desforges par un hasard heureux devant une boutique pour religieuses de la rue Saint-Sulpice, un soir de Noël. J'avais reconnu de loin sa crinière de lionne. J'y fais tinter à mon tour la sonnette de l'entrée et l'ai suivie dans le magasin où elle avait l'habitude de s'acheter ses fameux bas de coton destinés aux jambes poilues des bonnes sœurs, mais qui sur elle était d'un érotisme décalé et joyeusement pervers. Ses amants doivent en être tout excités, pensais-je songeuse, en respirant les odeurs d'encens et de cierges de cette boutique surannée qui pour moi sentait plutôt le soufre. J'avais 20 ans en 1990 et venais de décider de faire mon mémoire de fac sur Régine Desforges, la belle rouquine scandaleuse. Comme elle, je voulais être rousse, belle, libre, libertine, écrivain à succès, avoir plein d'amants mais pas de mari. Elle planta ses jolis yeux de chatte sauvage dans les miens et je balbutiais dans le désordre les phrases que je venais d'improviser pendant qu'elle payait ses bas gris-souris. « Venez, on va boire un café sur la place », me dit-elle amusée, pour me sortir de là. En fait, on a bu des blancasses. Du coup, la vie m'est apparue d'une grande simplicité. Il suffisait de ressembler à cette femme pleine de feu et j'allais enflammer le monde. Merci, Armand. Tu nous remettras la même chose, s'il te plaît ? On parle entre femmes libres, c'est du sérieux. À ton mémoire, ma belle. À la vôtre, je suis complètement bouleversée et un peu pompette. J'en avais rêvé de vous rencontrer et voilà, c'est arrivé, ça fait drôle. C'est grâce à vous qu'à 16 ans, j'ai lu les 11 000 verges d'Apollinaire et le conte d'Irène d'Aragon. Bravo, vous commenciez fort vous aussi. Mes petits copains ne me regardaient plus avec les mêmes yeux, ça les émoustillait, hein, ça c'est clair. J'étais devenue la muse sulfureuse du lycée. Et moi, la première femme éditrice de littérature érotique en plus. À 30 ans, j'ouvre ma maison d'édition, tous les handicaps à la fois, dans les années 60. Vous imaginez ? Ça n'a pas beaucoup changé. Une femme qui lit de la littérature érotique est tout de suite étiquetée. Je faisais circuler les bouquins pendant le cours de français. La prof en était restée question érotisme à Manon Lescaut. Elle me les a confisqués. Alors je te prédis un grand avenir grâce à la confiscation. Chin-chin. Super à la nôtre. Ma vie commence aussi par une histoire de confiscation. Et pire, par un auto-da-fé. Je suis née à 15 ans quand on m'a volé mon journal intime et obligée à jeter dans le poêle ce qui était toute ma chair d'adolescente. Ma vie intime s'envolait en fumée. J'ai décidé que je me vengerais, sans savoir comment. Mon fils en est tout agité la nuit. Elle a le diable dans la culotte, monsieur l'abbé. C'est une affaire délicate, madame Lardenois. Elle met en cause d'honorables notables. Faut la voir, les cuisses à l'air sur sa bicyclette. Sa robe à fleurs et sa crinière, et au vent. Je ne peux pas l'empêcher de faire de la bicyclette, c'est pas un péché. C'est une traînée, monsieur le curé. Elle écrit qu'elle a déjà lu le blé en herbe et tripoté dans la paille d'énormes objets masculins. Oh, je vous en prie, madame Lardenois, pas de détails anatomiques scabreux. Nous débordons, là. Nous sommes hors sujet. Je vais faire le nécessaire, elle va être exclue du collège religieux. Je doute fort que même l'école publique en veuille. Dommage. C'était une élève érudite, malgré son milieu très modeste. Elle lit beaucoup. Trop, peut-être. Comme vous dites, érudite. Mais lire Colette et Sagan à 15 ans, il faut avoir le vice à la chatière. Sauf votre respect, monsieur l'abbé. Toutes des traînées. Et vous, mon petit, qu'en pensez-vous ? Rien, monsieur l'abbé. J'aime Manon, une grande de l'école communale, et Manon même. Ce boutonneux jaloux n'a pas à fourrer son nez là-dedans. Ma petite Régine, ce cahier maintenant, il va falloir le brûler. Vous plaisantez, monsieur le curé. Je ne joue pas à Jeanne d'Arc. Rassurez-vous, mon petit. Ce n'est pas vous que l'on va brûler, mais votre cahier de... De cochonnerie, oui, qui rend mon fils sanguin. Regardez comme elle lui échauffe le sang. Rendez-moi mon cahier ou je porte plainte contre votre fils. Il m'a assommée avec une bouteille parce que je me suis débattue. Il voulait me violer près du terrain de tennis. Des outrages aux bonnes mœurs, monsieur l'abbé. Il paraît qu'elle en a une dizaine de ces cahiers d'ordures. Vous voulez parler des amants de la pharmacienne ? Oh. Des gamins tripotés par un collègue à vous, monsieur le curé ? Ça suffit. De monsieur Robert qui donne ses rendez-vous dans les pissotières ? De la grosse femme du notaire qui monte son cul et ses seins à la fenêtre ? De votre mari, madame, qui vous trompe avec ses jeunes et jolis secrétaires ? Il paraît qu'il leur fait des mômes. T'as plein de petits frères, le boutonneux. Forcément, ça fait beaucoup de cahiers à écrire. Oh, osez dire ces horreurs, sale petite putain! Vous rendez-vous compte de tous les drames familiaux que vous allez provoquer? Vous allez vous-même jeter gentiment ce cahier dans le poêle, mon enfant. Et vous en serez à moitié pardonné. J'ai rien à me faire pardonner. Je ne vais pas descendre dans cet enfer. J'aime qui je veux et j'écris ce que je veux, surtout la vérité. C'est ce gringalet tripoteux qui est un voleur. Un voleur, violeur d'intimité. Il a fouillé dans mon cartable et s'est enfermé au cabinet pour le lire. Oh, monsieur l'abbé, faites la terre. Je vais faire une syncope. Allez, ma petite Régine. Ce geste va vous grandir. Ça sera votre acte de contrition. Le curé a ouvert le poêle avec un sourire mielleux et sadique. J'ai obéi et jeté dans les flammes ce que j'aimais le plus au monde. Ma vie intime s'envolait en fumée. Pour ressusciter, j'ai décidé de me venger. J'enfreignais déjà les règles de la bienséance, les conventions sociales, l'ordre établi. Imagine alors le tollé, l'odieuse rumeur publique. Les regards épiant à travers le rideau, qu'on soulève furtivement. Les persiennes derrière lesquelles on se cache pour voir passer la traînée sur sa bicyclette bleue. Un vrai film de Chabrol. Si au moins il s'était tu, mais au moins je riais, me traitait de putain. J'ai été rejetée dans tous les milieux, les plus modestes comme les plus aisés. Convoquée par la gendarmerie, exclue de mon collège religieux, longtemps refusée par l'école publique, et donc privée de scolarité, harcelée et agressée dans la rue. J'étais perçue comme une pestiférée. En d'autres temps, j'aurais été brûlée vive comme une sorcière, ou tondue comme ces femmes qui avaient couché pendant la guerre avec des soldats ennemis qui n'avaient pas demandé à se battre. À 15 ans, être mise au banc de la société, c'est horrible. Il y a plus horrible encore. Être contrainte à jeter aux flammes la plus belle et la plus intime partie de moi-même. Jamais je n'oublierai ce moment d'extrême souffrance. C'est un souvenir très pénible. Quand je repense à cet instant, la révolte monte toujours en même temps que les larmes. C'est terrible, j'aurais fugué à l'autre bout du monde. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir, disparaître comme mon cahier. Non, au contraire, être bien visible et reconnu, que l'on se presse autour de moi au lieu de me fuir comme une contagieuse. J'avais besoin de retrouver mon adolescence brûlée, de prendre ma revanche. J'ai écrit Le cahier volé qui a démarré ma carrière d'écrivain. Génial. Sans cet auto-da-fé, je n'aurais sans doute pas édité par la suite autant d'ouvrages licencieux, attentés aux bonnes mœurs, comme disent les magistrats, défier la censure et les tribunaux, écrit des romans où les nonnes se révoltent avec l'aide du diable. Pour moi, c'est râpé. Je n'ai pas eu cette chance et je ne suis même pas une enfant trouvée. Normale de chez normale. Tu vas découvrir ce qui se cache derrière cette normalité et te pousse à écrire. Mais vous, vous êtes tout. Écrivain à succès, femme fatale au parfum de scandale, éditrice dérangeante de livres qui sentent le soufre, une joueuse, une risqueuse, une passionnée. Et en plus, vous avez des amants, des amantes, des maris et une vraie vie de famille. Je ne sais pas comment vous faites. Il n'y a rien à faire. Juste à aimer la vie, la fête, les livres, le bonheur, l'amour. Pour ce qui est de l'amour, pour moi, c'est le calme plat. Même pas un plan cul. Sinon, je vous aurais pas rencontré un soir de réveillon de Noël dans cette boutique pour bonnes sœurs. C'est pas du tout le genre d'endroit que je fréquente. Viens, je t'invite à mon réveillon avant qu'Armand ne nous enferme derrière son rideau de fer. Je ne suis pas habillée pour. Pas besoin d'être habillée. Je te prêterai des dentelles. J'ai fait celle qui comprenait. Je l'ai suivie un peu dans les vapes. Je ne savais plus quelle était la cause de cette ivresse. Les Blancas ou cette rencontre de troisième type et mon avenir qui s'emballait au contact de cette femme solaire qui enflammait tout ce qu'elle touchait. Et pour cause. Est-ce que je commençais à devenir amoureuse d'elle à mon corps défendant? Je savais que sa vie sentimentale était aussi variée et tumultueuse que sa vie professionnelle, les deux d'ailleurs souvent entremêlées. C'est sa boulimie de la vie qui m'électrisait. Je m'identifiais très fort à elle. Comme elle, je venais d'une province mesquine et besogneuse. J'avais voulu monter à Paris, brûler mon existence par tous les bouts. Je commençais à me dire que ce n'était pas un mémoire que j'allais écrire, mais plutôt une biographie ou un roman, ou tout à la fois. Sur son scooter qui nous emmenait vers un mystérieux réveillon, je rêvais du haut de mes 20 ans à tous les possibles d'une vie hors norme. Accrochée à la taille ferme de cette belle ensorceleuse, enivrée de vent et d'alcool dans le sillage des senteurs de myrrhe et d'encens de son parfum envoûtant. Ça va? N'aie pas peur, je conduis comme je vis. À fond, tête baissée, mais le front toujours haut. On va où? La ville d'Avray, au bord de la Seine. C'est très joli. C'est loin? Non. 14 km de Paris. Mon amant a réservé pour quelques intimes dans un établissement très sympa. Tu vas voir. C'est qui, votre amant? Gigi, Jean-Jacques Faubert. Il est le père d'une de mes filles et mon Pygmalion. C'est le premier homme qui va se jouir. L'éditeur de l'Astragale? Wow! Voilà, on y est presque. Après m'être improvisée mannequin chez Ferro, je me suis improvisée représentante dans sa maison d'édition. Et il est devenu mon amant. Entre-temps, je m'étais mariée avec un assureur. Une erreur de casting. J'ai joué mon mariage au dé. Si je perds, je l'épouse. J'ai perdu, je me suis mariée. Un Pygmalion, c'est juste ce que je cherche. Ça court pas les rues, hein. Je tombe toujours sur des nazes qui n'ont pas coupé le cordon. Tu vas trouver. Peut-être ce soir. Tu sais, mon premier mariage à 18 ans, c'était surtout pour monter à Paris. La cérémonie civile vite expédiée, j'ai planté la noce sur les marches de l'hôtel de ville pour rejoindre Manon qui m'attendait au café de la mairie avec une copine. Voilà, c'est fait que je leur ai lancé. Le soir, on est allé fêter l'événement dans une boîte de lesbiennes avec mon mari, Manon et sa copine. Comme bague de fiançailles, j'avais demandé un gros ours en peluche. Je ne possédais rien. Mais j'avais exigé qu'on soit mariés sous le régime de la séparation des biens. En cadeau de noces, j'ai eu une batterie de casserole, une cocotte en fonte, une ménagère, une nappe et des serviettes assorties, une douzaine de torchons et le livre de cuisine. Alors j'ai fait le ménage et la cuisine avec les recettes de mon livre. Au début, c'était pas génial. Bizarre pour une femme libre comme vous. C'était l'époque, l'après-guerre, le bonheur sur les affiches de pub où de jolies femmes sourient dans leur cuisine tout confort. Mais dans la tête, il n'y a qu'un grand vide et de l'ennui. Ça oui. On est arrivé. Il faut prendre ce petit chemin. J'en ai eu vite marre de jouer les ménagères. Tous les après-midi, je partais à la découverte de Paris. Jean-Jacques Pauvert, je l'ai rencontré au café de Flore. Au début, je ne me rendais pas compte qu'il me faisait la cour. Il était marié, je n'y pensais pas. C'est lui qui m'a aidé à créer ma maison d'édition 67. L'or du temps. Tiré d'une phrase d'André Breton. Je cherche l'or du temps. C'est pas en traînant dans les couloirs de la fac que je vais rencontrer un homme comme lui. J'ai commencé fort, hein. Par des bouquins tout droit sortis de l'enfer des bibliothèques. Des érotiques d'Apollinaire et de plein d'autres poètes. Le premier est le Conte d'Irène d'Aragon. Je l'ai intitulé Irène. Ça n'a pas empêché la saisie des livres, ni les convocations au palais de justice et les condamnations pour outrage aux bonnes mœurs. Dingue ! C'était encore le Moyen-Âge en 67. Au lieu de ma mère, ça me stimulait. Je ne voulais rien cacher de ce qui me troublait. Toujours ce syndrome du cahier brûlé. Je voulais montrer tout ce qui m'excitait. Contrairement à Lacan, qui cachait l'origine du monde derrière un autre tableau correct, mais moche. Vous avez même connu Lacan ? Il m'a invité dans sa maison de campagne, j'ai fini à poil dans sa piscine. C'est ici. Ce n'était pas très accueillant de l'extérieur, genre club privé à la campagne. Je n'étais jamais entrée dans ce genre d'établissement où on signale son arrivée en saisissant une énigmatique main de cuivre que l'on frappe contre lui en chaîne. Un petit volet s'ouvre et un visage vous scrute derrière une grille. Plus gothique, tu meurs. Ah, c'est toi, je m'inquiétais. Je te présente Justine. Justine, Jean-Jacques Pauvert. Enchantée, belle demoiselle. Bonjour, monsieur. Elle écrit sur un sujet sulfureux. Ça va te plaire. Lequel, sans indiscrétion? Moi. Oh, ne vous laissez pas impressionner par son égo. Mettez-vous à l'aise, Justine. À l'aise, je ne l'étais pas franchement. Après un labyrinthe de couloirs, on venait d'entrer dans une salle sombre où trônait un immense sapin. Une lumière de lupanar, ambiance Troisième République, éclairait des couples en train de dîner et de flirter. Les lourds rideaux et les tentures feutraient les conversations et les petits rires polissons. Les femmes étaient effectivement très déshabillées. Certains allaient s'isoler dans des sortes d'alcôves fermées. J'étais tombée dans une autre époque. Ou au théâtre, dans une pièce de Feydeau. Les invités, des politiques, écrivains et intellectuels parisiens, se pressaient autour de Régine, flirtaient avec elle, sous l'œil amusé de Jean-Jacques Pauvert. Bienvenue à notre table, Justine. Ne soyez pas inquiète. On raconte tellement d'inepties sur moi, parce que je place l'esprit de liberté au plus haut, et que je suis contre toute forme de censure. Je l'ai payé très cher, en devenant un pilier de prétoire comme Régine. On veut me réduire à l'éditeur de Sade et d'Histoire d'eau, et on oublie que j'ai réédité le Littré, le modèle des dictionnaires, que j'ai publié tout Hugo, Guy Debord, Sagan, Albertine Sarrazin, et bien d'autres auteurs jeunes et vivants. Beaucoup de femmes, en fait. C'est une littérature audacieuse plus qu'érotique que je publie. Une écriture qui ose aborder franchement certaines situations, certains sujets tabous. À vos futurs livres, Justine. Buvez ce nectar. Ça vous donnera des couleurs. Trop d'émotions à la fois. Je ne sais plus où je suis, ni à quelle époque. J'ai l'impression d'être dans un film avec une machine à remonter le temps. Mais vous avez raison. En 68, cet établissement qui s'appelle toujours le Roi René était célèbre pour ses partouzes. Tous les bourgeois de province venaient s'y encanailler. Un intellectuel hongrois très laid et amateur de jeux érotiques a traîné Régine jusqu'ici. Tu reparles encore de cette histoire ? Cette fois, combien d'hommes m'ont fait l'amour, je n'en sais rien. J'étais dans un état second, je n'éprouvais aucun plaisir et pensais à toi, mon Gigi. Quand je t'ai raconté mon après-midi au roi René, tu as pleuré. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. C'est toi qui me poussais à ces jeux interdits. Le plaisir de la transgression et de mettre notre amour à l'épreuve. Souvent décevant ce genre de passage à l'acte. Je ne suis pas d'accord, mais je t'adore. Drôle d'endroit pour un réveillon de Noël. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Peut-être pour que Régine oublie ce piège dans lequel je l'avais poussée. Et en souvenir de notre jeunesse révolutionnaire et iconoclaste. Le thème et le dress code de la soirée sont « Faites l'amour, pas la guerre ». C'est toujours d'actualité, non ? Vous avez eu de la chance de vivre à cette époque incroyable. Le passé, nous sommes toujours plus beaux, plus romanesques. Mon présent a été très dur parfois. La censure a fini par me ruiner. Les amendes à répétition ont eu raison de ma chère maison d'édition et de mon moral. Privé de mes droits civiques, avec 4 mois de prison avec sursis, je suis allée me réfugier dans un monastère où les bonnes sœurs m'ont convertie au point de croix. Je priais pour un dieu auquel je ne crois pas. J'ai même fait dire une messe pour qu'un auteur de Jean-Jacques ait le Goncourt. Il l'a eu. Hein, j'avais envie de rester avec ces femmes pour oublier un monde où je ne trouvais pas ma place. Quand je suis partie, les sœurs m'ont dit regretter ma présence et mes cheveux roux. Quelle époque dingue. Une vie de roman fleuve. Tu as pris ta revanche, ma Régine dorée. Mais pourquoi ton acharnement ? Ah, tu es trop jolie et lumineuse. Ça ne cadre pas avec l'idée qu'on se fait d'un éditeur de pornographie. De littérature érotique de qualité. A dit la juge. Bon, elle m'a condamnée quand même. Elle faisait son métier, moi le mien. Elle est venue me demander si je ne lui en voulais pas. Plus sympa que ces féministes prudes qui sont venues au procès témoigner leur mépris et m'insulter comme autant de cahiers volés. Elles n'étaient pas sympas à votre époque. Elles étaient jalouses. Ton corps félin et ton air candide dérangent. On te le fait payer. Mais je suis fatiguée, mon Gigi, de chercher mon cahier volé. J'ai quand même été traitée de pornographe et de collabo par ces féministes. Sous prétexte que je flattais les vices des hommes parce que je posais nue dans les catalogues de ma maison d'édition. Je signalais les interdictions par des étoiles. Les livres les plus vendus étaient ceux qui avaient le plus d'étoiles. J'étais souvent invitée à des dîners, des surprises parties qui se terminaient en orgie. Je n'y participais pas. Je lisais dans les pensées de tous ces mâles en rut. Mais qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse qui publie des livres érotiques et se conduit comme une rosière ? Mais maintenant, vous êtes célèbre et populaire. La France s'arrache vos livres, ceux qui choquaient autrefois les bourgeois du Poitou. Et mon Amazon plaît autant à François Mitterrand qu'à l'abbé Pierre. Au fait, tu as terminé les nouvelles que l'abbé Pierre t'a commandées, mettant en scène des lesbiennes ? Insensé ! Vous troublez tout le monde, même un saint homme. Je les lui ai donnés. Il m'a embrassé sur le coin des lèvres, je n'ai pas aimé ça. Oh. Il m'a dit qu'il aurait voulu être une fille aimant les femmes. Drôle de saint. Et François Mitterrand, quel séducteur pour un homme sans lèvres. Mais trop vieux. Il m'emmène souvent manger des escargots dans un resto des Halles. Vous avez connu tous les grands hommes de la Terre. Comment vous faites ? Rien de particulier. Je recevais beaucoup de courriers. Dans certaines lettres, on m'encourageait à continuer à me battre contre la censure. Des sociétés savantes me demandaient de faire des conférences. J'étais applaudie à la fin. Les auditeurs étaient étonnés de la répression que je subissais. Même les banques ne voulaient pas accorder de prêt à un éditeur qui publie des ouvrages contraires aux bonnes mœurs. Oh, j'en sais quelque chose. D'autres lettres étaient obscènes, voire amusantes. Nombreux étaient ceux et celles qui voulaient me rencontrer. Un jour, un homme jeune et élégant a forcé le barrage de ma secrétaire. C'est très important, j'ai besoin de votre avis. Pour que vous compreniez, je dois vous montrer quelque chose. Il est revenu, traînant un tronc d'arbre. Non, mais je n'en croyais pas mes yeux. Ma femme et moi, nous aimons faire l'amour de toutes les manières possibles. Je l'attache à ce tronc qui est dans notre jardin, mais depuis quelque temps, elle refuse d'y être ligotée à la vue des voisins. Elle veut votre avis sur la situation. Comme vous êtes une spécialiste des choses de l'érotisme, votre avis compte beaucoup pour elle. Elle souhaite que vous veniez dîner à la maison. Ce serait pour nous un grand honneur. Je me suis entendue accepter, il m'a baisé la main. C'est dangereux. Quand on vous colle une étiquette, ça devient grotesque. On n'en sort pas. Je suis allée au rendez-vous. Une femme élégante m'a ouvert la porte en me remerciant chaleureusement d'avoir accepté. Le tronc d'arbre trônait dans un coin de la pièce. Le repas a été servi par un domestique en gants blancs, caviar, blinis, vodka, champagne. À un moment, la femme est sortie pour revenir complètement nue. Elle avait un corps magnifique. Elle s'est agenouillée docilement devant le tronc, son époux l'a attaché. Il l'a frappée avec un long fouet, elle a gémi et ils sont entrés dans une grande excitation. Du théâtre érotique à domicile, carrément. Ah, le spectacle était troublant. Bon, je n'ai pas attendu la scène finale. Je suis sortie. Dans le hall, le domestique m'attendait, mon manteau à la main. Madame a passé une bonne soirée. Oui, le dîner était excellent. J'en suis ravie, madame. J'ai appelé un taxi. À bientôt. J'étais morte de rire dans le taxi. Non, mais... Il m'a invité à nouveau, je n'ai pas répondu. Non, c'est pathétique. Et convenu. Un mauvais manuscrit, comme ceux qui s'entassent sur mon bureau. Dis donc, Justine. Il y a un beau garçon qui te dévore des yeux là-bas. Je suis jaloux. J'avais l'impression d'être le personnage anachronique d'un film d'époque. J'étais abasourdie et incapable de repérer le seul beau garçon de mon âge qui traînait ici. Je me sentais un peu nulle avec mon jean et mon t-shirt, alors qu'ils étaient tous travestis et les femmes très belles en déshabillés de dentelle. J'étais née dans une époque plus libre, mais finalement l'étais-je plus. Ces gens qui avaient l'âge de mes parents étaient plus joyeux et fêtards que moi, plus libres que moi. Il est minuit, mes amis. Joyeux Noël à tous les Noëls de notre enfance. N'oublions pas que Noël est une fête païenne récupérée par l'Église. Joyeux Noël, mes amours. Joyeux Noël. J'ai partagé avec Régine Deforge beaucoup de moments exaltants jusqu'à la fin de sa vie, où elle s'est replongée avec douleur dans ses carnets intimes pour écrire ses mémoires qu'elle a terminées en 2014, moins d'un an avant sa mort, à l'âge de 78 ans. Elle les portait encore avec flamboyance. Son amant éternel, Jean-Jacques Pauvert, l'a suivie 6 mois plus tard à l'âge de 88 ans. Quant à moi, je suis devenue écrivain, grâce à cette femme généreuse et pleine de vie qui m'a repêchée un soir de Noël dans cette rue pieuse. Et le joli garçon de cette soirée est devenu mon fiancé pour longtemps. Des amants ? Moi, je trouve que je n'en ai pas eu assez, me disait-elle encore provocante. La belle rouquine fut toute sa vie une femme libérée et libertine. Mais ses confessions ultimes laissent deviner à quel point celle qui a tant aimé, des hommes et des femmes, fut toujours à la recherche de l'amour, et pas seulement l'amour physique. L'auteur du best-seller « La bicyclette bleue », remarié à 50 ans au prince Pierre Wiaziemski, alias Viaz, le dessinateur petit-fils de François Mauriac, a réussi au-delà de ses espérances. La petite provinciale, montée à la capitale, a peuplé sa vie de rencontres avec les plus grands écrivains, intellectuels et politiques du tout Paris qui l'adoraient. Combien de fois ne me suis-je pas lancée tête baissée, mais le front toujours haut, à l'assaut de ces murs de haine, d'ignorance et de mépris. Mourir, oui, mais mourir debout et libre. Collant en béton. C'est pour ma sœur qui est à Bonneval. C'était Régine Deforge, la papesse de l'érotisme, de Nicole Sigal. Avec Caroline Chagnolo, Régine Deforge, Delphine Equet, Justine, Aurélie Nusillard, Régine Deforge, jeune, Laurence Roy, la dame bien pensante, Patrice Bornand, l'abbé, François Sienner, Jean-Jacques Pauvert, Nicole Sigal, Justine, la narratrice. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Ariane Herbet. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff. A été volé, il a été lu. Alors, lu en public, donc humiliation. Ah, humiliation. Oui. C'est d'ailleurs ce qui m'a, je crois, alors là, renforcé dans mon désir de liberté et que je considère que la faute la plus grave qu'on puisse commettre vis-à-vis de quelqu'un, c'est de l'humilier. Vous pensez donc, Régine Deforge, que cette affaire a déterminé vos prises de position postérieures contre l'humiliation et même, disons, la vigueur que vous avez manifestée jusqu'à maintenant contre l'ordre établi? Oui, parce que la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle des adultes du temps de mon adolescence était telle, et c'était tellement évident que c'en était tout à fait choquant. Mais à l'âge de 9 ans, j'avais assisté aussi dans cette ville à une manifestation de populace insultant 3 ou 4 femmes tondues. J'éprouvais à ce moment-là un sentiment de dégoût, de honte que je ressens encore maintenant. Et je me suis sauvée, j'ai quitté maman, ma grand-mère, enfin je me suis sauvée pour ne pas voir ça. Et quelques années après, mais pas très longtemps après, 5 ans après, ça se reproduisait, mais contre moi. Donc je pense que si j'avais eu 15 ans au moment de la libération, j'aurais été tondue moi aussi. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Régine Deforge, la papesse de l'érotisme, notre invitée, Josiane Savigno, journaliste, écrivain, critique littéraire. Bonjour Josiane Savigno. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans Affaires sensibles, la fiction. Alors je rappelle que vous êtes écrivaine et journaliste, vous avez dirigé Le Monde des Livres jusqu'en 2005, vous êtes l'auteur, avec un E, j'y tiens, de biographies de Marguerite Yourcenar et de Carson McCullers. Vous avez participé également à Ainsi soit-elle autour de Benoît de Groult avec Elisabeth Banater chez Grasset en 2003, ainsi qu'à Histoire d'une évasion de Benoît de Groult, 1997. Vous avez aussi écrit Un point de côté, qui est un récit autobiographique. Mais nous sommes là pour parler de Régine Deforge. Alors, au début de votre article, vous citez, alors un article que j'ai sous les yeux, vous citez Régine Deforge, donc 78 ans, et vous dites qu'elle se plaint de la vieillesse qui supprime tant de choses, dit-elle, de ne plus pouvoir courir les amants, par exemple. Alors ça, par exemple, c'est de la provocation, ou disons une façon plus distancée de s'avouer fragile, comme elle le dit aussi, ou peut-être hélas. Peut-être, hélas, a-t-elle tout simplement raison. Moi, j'y croyais pas à sa fragilité quand je l'ai rencontrée. Donc, en fait, elle a donc publié ses mémoires, comme vous le disiez, et je me suis dit que j'avais envie de faire un portrait d'elle, parce qu'au fond, des gens jeunes pensaient qu'elle avait écrit La Bicyclette Bleue et puis tous les livres qui en découlaient, et savaient pas qui elle avait été vraiment, qui est l'éditrice dont que vous avez rappelé tout à l'heure. D'avoir été quelqu'un d'extrêmement provocateur et d'avoir voulu assumer sa liberté. Et donc, j'ai bien vu que j'avais raison, parce qu'il y a eu quelques mous un peu bizarres quand j'ai dit je voudrais faire un portrait de Régine Deforge. On m'a regardé du genre, bon, tu t'intéresses aux auteurs de best-sellers, quoi, quelque chose comme ça. Donc, je suis allée la voir et elle avait beaucoup d'humour, comme d'habitude, mais elle m'a parlé de sa santé, en fait. Elle m'a dit qu'elle supportait pas, elle se sentait fragile, qu'elle adorait fumer le cigare et qu'on l'empêchait de fumer le cigare. Et j'y ai pas trop cru. Je me suis dit, bon, les gens en vieillissant ont peut-être tendance à trop dire qu'ils sont fragiles parce qu'ils ne sont plus exactement comme ils étaient avant. Mais je pense qu'elle avait raison puisqu'elle est morte quelques mois plus tard. C'est-à-dire qu'elle avait du mal avec cette notion qui est celle du renoncement. Évidemment, la prise d'âge, la vieillesse, c'est aussi une forme de renoncement. Pas pour tout, bien sûr, pas pour tout. Oui, elle disait, on a, bien sûr, on a la liberté de dire tout ce qu'on veut, mais ça compense pas vraiment le reste. Bon. Alors, Régine Deforge meurt effectivement le 3 avril 2014 à l'hôpital Cochin, quelques mois après avoir terminé ses mémoires, intitulées « L'enfant du 15 août ». Et c'est aussi à la sortie de ce livre que vous écrivez un article dans Le Monde, ce fameux article sur les étapes de sa vie. Alors, ce livre autobiographique de Régine Deforge explique les raisons qui l'ont poussée à la révolte bien plus tard à l'écriture. C'est bien sûr le vol de son carnet intime dont elle a dit quelques mots. On l'a entendu dans l'archive diffusée tout à l'heure. Racontez-nous cet épisode qui est destructeur, mais qui est en même temps constructeur aussi, peut-être, de sa personnalité. En fait, elle était comme beaucoup d'adolescentes, quoi. On a des passions pour un professeur ou pour un condisciple, et donc elle était plutôt amoureuse, mais c'était vraiment des petites histoires. Je crois que je sais même pas si elle se touchait. C'est pas, mais évidemment, dans son journal intime, quand on est adolescente, on raconte des choses enflammées. Ça. Et puis donc, quelqu'un a dû la dénoncer, et on a saisi la chose, on en a fait une sorte de lecture publique, on lui a dit qu'il fallait le détruire, et elle a vraiment, comme elle a dit dans cet archive qu'on a écouté tout à l'heure, l'humiliation, c'est la chose la pire qu'on puisse faire subir à quelqu'un. Mmh. Et donc cette humiliation, elle s'est bien dit qu'elle s'en vengerait, et elle a eu une vie quand même. C'est par exemple son premier mariage qu'elle a joué au dé, c'est quand même alors, c'est une légende, c'est vrai? Non, c'est vrai. Expliquez-nous ça. Donc, elle a rencontré cet homme, Pierre Spengler, qui avait envie de se marier avec elle. Et puis, elle s'est dit, bon, je sais pas, pourquoi pas. Puis elle lui a dit, jouons au dé, et si je perds, je t'épouse. Elle a perdu, elle l'a épousé. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont eu un fils, quand même, qui est éditeur maintenant, oui, Frank Spengler. L'enfant du hasard. Ouais. Après, elle a eu d'autres amours. Et alors, elle disait aussi dans ce portrait que j'ai fait d'elle, auquel vous faites allusion, elle disait que à chaque fois qu'elle était amoureuse d'un homme, heureusement qu'elle n'avait pas été amoureuse 50 fois, parce qu'à chaque fois qu'elle était amoureuse d'un homme, elle voulait un enfant. Pas du tout, disait-elle, pour vous savez, être sûre que l'homme ayant eu un enfant, il est restera. Il est pas restera, mais au moins il aura une obligation. l'obligation financière, une obligation. Oui, façon de rester, quoi. Façon d'être coincée, disons. Elle disait que c'était pas du tout pour ça, que c'était parce que ça allait pour elle avec, donc, elle a eu un enfant avec Jean-Jacques Pauvert, qu'elle a pourtant jamais épousé, avec lequel elle a jamais cohabité, une fille, Camille. Et puis ensuite, elle a eu une fille avec Pierre Wiesemski, le dessinateur Viaz, avec lequel elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie, avec lequel elle était mariée. Et il y a quelque chose aussi de très intéressant dans ses mémoires, c'est qu'elle veut pas du tout régler des comptes. Pas du tout. Malgré tout. Ouais. Malgré tout. Parce enfin, que quand même, c'est non, je veux dire, il y a l'histoire de l'enfance, ça, elle en reparle. Bon. Mais sur sa vie d'adulte. Ouais. Bon, par exemple, vous avez fait allusion au fait qu'elle était membre du jury Fémina. Oui. En fait, elle a démissionné du jury Fémina par solidarité avec Madeleine Chapsal, qui avait été exclue. Mais dans ses mémoires, elle raconte pas ça. Et puis, il y a aussi la fameuse histoire de Malagar. Donc, Pierre Wiesemski est le petit-fils de François Mauriac. Oui. Bon. Et François Mauriac avait une propriété dans le Bordelais qui s'appelle Malagar. Et elle a écrit La bicyclette bleue au bureau de François Mauriac. Et donc, elle a voulu que cette propriété reste dans la famille, si on peut dire, et l'acheter. Mais une partie de la famille n'était pas, vous voyez, absolument, comment dire, admirative, disons, d'Origine de Forges. Et finalement, la famille Mauriac, enfin une partie de la famille Mauriac, l'a empêché d'acheter la maison qu'on a donnée au conseil général ou au conseil régional, je ne sais plus exactement, et qui est devenu le centre François Mauriac de Malaga. Et ça, c'était une vraie blessure. Et on n'a pas parlé dans ses mémoires. Bon, alors ça nous renvoie quand même, pardon, à la question initiale, l'humiliation, donc surtout dans un milieu provincial, hein, du Poitou, ça aurait pu être dans une autre région, d'ailleurs c'était la même chose, le regard des gens qui est là, et est-ce que ça construit sa vie dans l'idée de liberté contre la société normative et qui va de donner toute la couleur de son œuvre. Ah oui, je pense que cette révolte est absolument, absolument fondatrice. Mais en même temps, il y a quelque chose de curieux parce qu'il se trouve que moi aussi, je suis née dans le Poitou et que j'ai jamais. C'est pas pire qu'ailleurs. Je dis Poitou parce que c'est jamais... le Poitou. Non, mais j'ai jamais senti aucune appartenance à cette région, tandis que elle. Bien qu'ayant été humiliée, elle le dit dans ses mémoires, quand je descends à la gare de Poitiers, j'ai un sentiment que je reviens chez moi. Mmh. Et puis elle avait créé un petit salon du livre à Montmorillon, sa ville de naissance. Mmh. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il y a aussi une chose, c'est que elle est rousse. Et vous savez que les rousses sont mal vues souvent, considérées comme un peu des sorcières. Alors, elle est rousse et à partir de l'âge de 15 ans, elle décide de s'habiller en noir parce qu'elle considère que le noir protège. Donc vous voyez, comme vous disiez, dans ces années-là, à Montmorillon, la rousseur, le noir... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, comment vous interprétez-vous, ou en tout cas entre les lignes, ce qu'elle dit à la Libération, j'aurais été tondue? Ben, je pense que ce qui l'a beaucoup choquée, c'était le fait que, quoi qu'on reproche à ces femmes, c'était une humiliation suprême, quoi, de vouloir les tondre. Je ne pense pas qu'elle veut dire « moi j'aurais couché avec des Allemands et on m'aurait tondu aussi ». Oui, bien sûr, il y a de la symbolique. Je pense que la symbolique, c'est tous les gens qui sont un peu à l'écart de l'endroit où il faut être, le politiquement correct, c'est comme ça. On dit aujourd'hui. Absolument. Il faut leur faire subir quelque chose. Bien, Josiane Savigno, on se retrouve après une petite pause, dans quelques minutes. Classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Que tu mentes autour des diabolo mente. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Josiane Savigno, nous nous retrouvons pour parler de Régine Desforges, ce personnage si intéressant, à la vie si remplie. Vous disiez tout à l'heure que finalement sa ligne directrice de vie après, et de vie publique, a été de combattre ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, qui a connu plusieurs périodes d'ailleurs, qui est revenu en force au début des années 80 et qui aujourd'hui règne. Bien, alors, elle devient libraire, d'accord, elle qui lit beaucoup, pourtant choisit de ne pas écrire. Pourquoi elle est libraire et elle n'écrit pas? Au début, elle est pas du tout. Elle cherche du travail, quoi. Et elle raconte que donc elle était dans une librairie des Champs-Élysées et que c'était le moment de la guerre d'Algérie et qu'elle comprenait pas très bien tout ce qui se passait. Finalement, elle lit la question d'Henri Alleg. Donc elle commence à se forger une conscience politique qu'elle a eu 58, ensuite. Hein, la question. Voilà, qu'elle a eu ensuite tout le temps. Et puis, elle aimait beaucoup les livres publiés par un certain Jean-Jacques Pauvert. Et donc, elle a eu envie de le rencontrer. Ils se sont rencontrés. Il l'a encouragée. Parce qu'il fallait être quand même sacrément culotté pour créer une maison d'édition en pensant qu'on allait publier des textes érotiques essentiellement. Bien sûr. Et c'est curieux parce que c'est en 68. Alors, d'un côté, il y a Jouissez sans entrave. Et d'un autre côté, on l'a poursuivi. Vrai paradoxe. Hein. Vous avez raison de le dire. Nous sommes en 1968. Oui. Il est interdit d'interdire. N'empêche que. Oui. Et Jouissez sans entrave. Et alors, ouais. Donc, elle crée cette maison qu'elle appelle l'or du temps, en hommage à André Breton, sa phrase « Je cherche l'or du temps ». Et elle contacte Aragon, parce que c'était un secret de Polichinelle que Le Conte d'Irène était un texte d'Aragon. Bien sûr. Aragon ne lui répond pas, ne veut pas. Fin de non-recevoir. Elle se dit « Je m'en fous, de toute façon, comme ce texte n'a pas d'auteur, je peux tout à fait le publier sans avoir à rendre de compte ». Donc elle l'appelle Irène simplement. Comme vous l'avez dit, elle le publie, il est immédiatement saisi. Et quand même, ça a été très très très dur. Elle a eu déchéance de ses droits civiques pendant quelques temps, etc. Et c'était très drôle parce qu'elle raconte qu'il y a une femme que j'estime beaucoup, parce que je me suis occupée de la justice au moment d'un temps, qui s'appelle Simone Rosès, et qui a été la première femme au magistrat. Mmh. Et donc, un jour, elles se sont retrouvées, Régine Desforges, Simone Rosès, à une espèce de cénacle qui était les premières en. Alors, la première femme créatrice d'une maison d'édition, ouais. La première femme au magistrat. Et il y a des femmes qui ont dit à Régine Desforges, mais enfin, pourquoi vous avez publié des livres pornographiques? Et c'est Simone Rosès qui lui a dit, mais c'était pas du tout, mesdames, des livres pornographiques, c'était des livres érotiques de qualité. Bien. Elle rencontre, alors, la rencontre de Jean-Jacques Pauvert, on l'a dit, elle est importante. Elle rencontre aussi Dominique Horry, qui est l'auteur d'Histoire d'eau. Et à l'époque, c'était pas dit. À laquelle, d'ailleurs, nous avons consacré une émission l'an dernier. Donc, elle écrit un livre d'entretien avec elle, hein, c'est ça, publié oui, chez Pauvert. Bah, on m'a dit. Voilà, ouais. Publié à la maison. Le cercle se forme, les amitiés, les liens, les livres, les amours, la vie libre de Régine prend forme à ce moment-là. Je veux dire que c'est une rencontre, comme certaines rencontres peuvent être des tournants. Ah, je pense que c'était très important pour elle, la rencontre avec Dominique Horry. Et d'ailleurs, quand on s'est vu à propos de ses mémoires, elle m'a dit à quel point elle avait été triste de la mort de Dominique Horry, à quel point cette femme lui manquait, à quel point elle avait senti une communauté avec elle. Mmh. Auteur d'un très beau livre, c'est vrai, d'un très beau livre. En plus, mais exactement. Il y a un cousinage quand même hein, entre les deux démarches des deux. Sauf que Régine n'a pas vraiment écrit, Régine Desforges, de livres... comment dire, spécifiquement, disons, érotique. Oui. Parce que quand même, Histoire d'eau, c'est... C'est quand même spécifiquement érotique. C'est quand même spécifiquement mais érotique. Mais il y a autre chose. C'est assez terrible. Alors, à propos de ces livres, on va s'arrêter sur La bicyclette bleue, parce que c'est le plus connu. Donc, il paraît en 1981. C'est son livre le plus célèbre. C'est un succès mondial. On en a fait un film. Une fois encore, ce succès se terminera en procès. Je crois qu'il y a eu sept ans de saga judiciaire. Oui, encore des déboires. Puisque donc, le défi, c'était revisiter Autant on emporte le vent. dans une histoire contemporaine. Et alors, les héritiers de Margaret Mitchell se sont avisés qu'ils n'étaient pas seulement propriétaires du livre, de Autant n'importe le vent, mais qu'ils étaient propriétaires de toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, vous voyez, cloner, si on peut dire, ou copier Autant en emporte le vent. Et elle a finalement gagné, mais ça a été très très long. Et c'est vrai que ça lui a apporté beaucoup de choses. Elle avait beaucoup manqué d'argent, elle a eu beaucoup de problèmes d'argent, comme vous l'avez souligné, c'est obligée de fermer la maison, etc. Donc tout d'un coup, elle a eu une aisance financière, c'était quand même assez agréable. Mais il est vrai que, c'est pour ça que j'étais contente d'aller la voir pour ses mémoires, parce que il est vrai que du coup, on avait un peu oublié le personnage sulfureux qu'elle était pour voir cette auteure de best-seller qui a ensuite décliné toute une série. Ça, absolument. Il y en a eu beaucoup. Après, on trouve les gens à Cuba, un peu partout. Ouais. Et elle avait envie peut-être d'en écrire encore un. Qu'est-ce qui a fait le succès de la bicyclette bleue? Quels sont les ingrédients littéraires du succès? Mais écoutez, c'est autant n'importe le vent, j'allais dire. Moi, je ne suis pas tellement cliente, normalement, de ce genre de livre. Et pourtant, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Elle a vraiment... Parce qu'il y a une atmosphère. Oui, elle a eu une habileté à créer des personnages... je veux dire qu'on a... On a envie de les suivre, c'est-à-dire qu'en lisant La bicyclette bleue, même si on est adulte, on se retrouve dans la manière dont on lisait les livres adolescents, c'est-à-dire on croit aux personnages, on est avec eux, on s'embarque avec eux. Et c'est vrai que c'était très, très, très, très bien fait. Après, il y a eu Avenue Henri Martin, etc. Oui, c'est ça, je cherchais le titre, voilà. Avenue Henri Martin. Oui, non, c'était tome très 2, bien. Oui, de la saga. Non, c'est bien La bicyclette bleue. Je ne sais pas si on la lit encore aujourd'hui, mais on devrait. C'est une lecture agréable quand on a envie un petit peu d'oublier les lectures difficiles et d'oublier les actualités difficiles. Bien sûr, c'est une belle évasion romantique. Vous avez dit, quand je l'ai rencontrée, donc vous l'avez rencontrée, vous l'avez connue, quel genre de femme était-elle? Bah, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, mais je ne l'avais jamais vraiment rencontrée pour travailler avec elle, comme j'ai fait là pour ce... Mais j'avais toujours trouvé que c'était une femme très, très séduisante dans sa spontanéité, dans sa liberté, dans son rapport aux gens. Vous savez, quand par exemple Cesare Battisti a été menacé d'extradition, elle est venue avec un porte-voix pour le défendre. Et moi, j'aime bien les gens qui, comme ça... continue à s'engager et ne renonce pas. C'est pour ça que je ne croyais pas trop à son histoire de fragilité. Mais on n'est pas dans le corps des autres. On essaie de voir leur tête et leur caractère, mais on n'est pas dans la fatigue. Dernière question qui est non pas convenue, mais habituelle. J'aime la poser parce qu'elle nous donne des repères. Quelle place elle tient, Régine Desforges, dans la littérature française moderne, contemporaine? Ah, écoutez, je sais pas trop. Moi, les classements, ça me fatigue. D'abord, une place, c'est pas un vrai classement. On va pas dire deuxième, troisième. Quel espace elle occupe dans la vie littéraire? Elle a été très présente et pas forcément pour les livres les plus littéraires, comme vous disiez tout à l'heure, Le Cahier volé que vous avez cité. C'est un très très beau livre. Je sais pas. C'est toujours difficile de dire. Est-ce que, je sais pas, Jean d'Ormesson est devenu une icône nationale? Quelle place il occupe dans la littérature française? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Voilà, moi, je vous pose des questions, vous répondez. Si vous le sentez, il n'y a aucun problème. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut la lire. Il ne faut pas l'oublier. C'est une bonne réponse. Il ne faut pas l'oublier, il faut la lire. Et on commence par quoi? Peut-être ceux qui n'ont pas lu. Le Cahier volé, moi je crois. Le Cahier volé. Moi je commencerai par Le Cahier volé. Et après on passe à la bicyclette bleue après. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on est un peu en vacances sur un transat, on commence par la bicyclette bleue. Si on est à Paris, au début de l'automne, allez, Le Cahier volé. Nous retenons le conseil. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Régine Desforges, la papesse de l'érotisme. Une fiction écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidoroff et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet.